écoute, on est à la maison. Ouais. Passe, hein. J'ai pas, moi. Mais vous êtes où? Vous êtes où? Mais où tu habites? Pourquoi? Holderlin! Holderlin! Holderlin! Holderlin! Te souviens-tu des phrases d'Holderlin? Holderlin! Ah d'accord. Holderlin, c'est pas mal! Tu veux faire Heidegger? Ouais. Et le buto? C'est quoi? Et j'ai vu des tortues qui faisaient du tai chi et du buto. J'ai vu des tortues qui faisaient du tai chi et du buto très bien. Des tortues. Ah, tu connais pas les tortues, donc je te parle, sinon. Les tortues. Tortues. Des tortues. C'est pas toi, mais je meurs. Ouais, et toi? Je voulais te parler à toi. Ok. Et Benjamin, c'est bien à toi que je parle. Benjamin Sirac, c'est bien Benjamin. Non, je suis en train d'enregistrer la conversation pour pouvoir faire du son avec. Ouais. Mais la personne que j'ai eue avant toi, c'était qui? Ouais. D'accord. Ouais, salut enculé de ta mère. Salut enculé de ta mère. Je me moque pas des imbéciles, je te dis va sodomiser ta mère. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes sodomiser ta mère? Ouais, merci. Ouais, Black Mirror. Mais t'es toujours dans la représentation, pauvre petit garçon. Ah, c'est pas mon mec. Mais tu es toujours dans la représentation. Dans la représentation. T'es qu'un humain de merde. T'es qu'un humain de merde qui... T'es qu'un humain de merde qui mérite de mourir, quoi. Je te saignerai bien. J'ai envie de te trancher la jugulaire. À moi,